mais tu te fais saut, T'es par tout le monde, t'es qu'une biatch, Cherche à effacer ton passé, mais tu seras toujours qu'une biatch, Wesh, c'est pas la peine d'être désolé. Mais j'y suis pour rien, c'était une biatch, T'avais qu'à pas te faire sauter, Par tout le monde, tu serais pas une biatch, Des filles bien, j'en ai pas connu beaucoup. Des putes peut-être plus, et franchement rarement de bon coup. Des chiennes, des chiens, c'est ce que je vois partout. Gang, bang, théorie, orgie, partouze. Les mecs sont prêts à tout pour tirer leur coup. Quitte à chauffer ta meuf et casser ton couple. Et elles sont prêtes à tout pour te rendre jaloux. Quitte à se laisser faire par des petites tarlouses. Les filles bien, je les compte sur les doigts de ma main. Ya, ya, bon bref, ya, jama, maman. Allez viens, on va le faire sans sentiment si tu veux. Je t'insulterai de salope en te caressant les cheveux. Ça sent le sexe dans tes yeux de biche et de pillage. Y'a trop de texte dans ton phone et dans le village. Et si mes mots te choquent ou te font trembler, si ma côte fait bander, va te faire branler. On te connaît, tu te fais saut, T'es par tout le monde, t'es qu'une biatch, Cherche à effacer ton passé, Mais tu seras toujours qu'une biatch, Wesh, c'est pas la peine d'être désolé. Mais j'y suis pour rien, c'était une biatch, T'avais qu'à pas te faire sauter, Par tout le monde, tu serais pas une biatch, Des filles bien, j'en connais pas tant que ça. Des tonnes de biatch, j'suis déçu pourtant ça. Et puis j'ai honte pour ces cons qui servent d'elle, parce qu'ils préfèrent baiser des chattes blondes sans cervelle. J'ai vu des culs perdus, des coups de bite sans yeux, un palmarès sans coup de cœur, non ça me rend pas envieux. J'ai vu les mecs déshabillés du regard, ma femme, je l'ai vu se laisser faire chauffer devant moi après 3 grammes. Les grosses conneries tu les fais quand t'as picolé, à part mon ex qui est parti avec un collègue. Tu peux prier pour avoir ma queue, va plutôt au meuf, ils ont l'air t'intéresser, tous ces crevards. Ce qui compte dans ce monde, c'est le sexe et le fric. Réfléchis avec ton portefeuille quand t'as la trique. Des filles bien, j'en ai pas connu beaucoup. Des putes peut-être plus, et franchement rarement de bon coup. On te connaît, tu te fais saut, T'es par tout le monde, t'es qu'une biatch, Cherche à effacer ton passé, Mais tu seras toujours qu'une biatch, Wesh, c'est pas la peine d'être Mais j'y suis pour rien, c'était une biatch, T'avais qu'à pas te faire sauter, Par tout le monde, tu serais pas une biatch, On te connaît, tu te fais saut, T'es par tout le monde, t'es qu'une biatch, Cherche à effacer ton passé, Mais tu seras toujours qu'une biatch, Wesh, c'est pas la peine d'être Mais j'y suis pour rien, c'était une biatch, T'avais qu'à pas te faire sauter, Par tout le monde, tu serais pas une biatch,